chage à la vie. Allez, fais un tour, pas peur d'égarer, voici, parti à Donatina. Nous qui marchons, et n'y en l'homme là. Respirez la vie, en bas lumière à la lune. Venezuela.